pense tellement disque d'or. Je dors même plus la nuit. Maman s'inquiète quand je traîne dehors. Je l'aime trop, c'est ma vie. J'écoute pas trop les jaloux, je les emmerde, tu me croises pas un salaud, j'suis toujours dans le Benz, je me casse la tête, j'écris des textes jusqu'à 6h du mat, je fais des millions de streams, suis-je dans un rêve ou dans un putain de cauchemar, plus paranoïe, je dors pas la night, un peu réservé, mais dans mes récits, je te déballe ma life. Solo dans la loge, que je barre de la night. Je me rappelle y'a 2 ans, j'étais pas à côté, je plaisais pas au chat. Y'a 2-3 jaloux qui attendent ma chute. Elle a un gros bouc, je lève sa jupe. C'est ma jolie, c'est ma Lolita. C'est mon bras droit, mon acolyte. A tout un diamant, vitesse illimitée. Chaque miel, les petits tout excités. 36 degrés, je suis dans ma cité. Pas de nouveauté ici, rien à fêter. Je pense tellement au disque d'or, j'endors même plus la nuit. Maman s'inquiète quand je traîne dehors. Je l'aime trop, c'est ma vie. J'endors même plus la nuit. Je sais pas si t'imagines, c'est la zone, c'est réel. Ça saute tout, c'est magique. La musique, c'est ma vie, ça se passe comme dans mes rêves. Une tasse qui choix, un verre de rosé rosé. Et je m'évade comme Mozart, je fais seul mes choix. Je veux plus causer, causer. Tout pour la mif, la causa. C'est le 1-3, c'est le 6-9 bébé. En ND, je fais mes CD. Je vais pas céder, c'est pour les petites crapules qui tournent dans le GTD. Je recule le scooter. Pas de BDA, j'fais le signal pour la vidéo. Jamais je vais graffiter ce beat, c'est l'avenir. J'dors pas comme un zombie, y'a ce beat, j'leur fais la guerre comme un hobbit. J'tourne en rond autour de la terre, dans la soucoupe, mon sang, j'suis en zombie. J'adore quand c'est taille de là. C'est pour les petits au détail. El Charbonneur à l'étage. Poste avec un Beretta. J'pense tellement au disque d'or. J'endors même plus la nuit. Maman s'inquiète quand j'traîne dehors. Je l'aime trop, c'est ma vie. J'endors même plus la nuit. Je sais pas si t'imagines, c'est la zone, c'est réel. Ça saute tout, c'est magique. La musique, c'est ma vie. Ça se passe comme dans mes rêves. Ça se passe comme dans mes rêves. J'pense tellement au disque d'or. J'endors même plus la nuit. Maman s'inquiète quand j'traîne dehors. Je l'aime trop, c'est ma vie. J'endors même plus la nuit. Je sais pas si t'imagines, c'est la zone, c'est réel. Ça saute tout, c'est magique. La musique, c'est ma vie. Ça se passe comme